vu la faucheuse, elle m'a parlé de toi. Tu es une rêveuse et tu veux partir à trois. Des lèvres affranchies et des livres non finis. De l'argent à jeter et des rêves à poster. En France, en Turquie, d'une à quatre, un avion pour trois. En vélo, en paquebot, on s'en fout, c'est la même. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard et allez, viens, on y va. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard, allez, viens, on y va. Les talons d'Achille ne pourraient nous en empêcher. Et irions-nous à trois avec mon pari, mon Hélène. Madame, je prends le pari que je volerai à Paname. Les idées de la rue Grenelle où se cache une plage. Vu sous les pavés, on y fera l'amour. Comme si on avait 20 ans dans les années 68. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard et allez, viens, on y va. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard, allez, viens, on y va. En jambon posé dans, à deux arrivons à trois. Comme Bougainville, un voyage autour du monde. Faire un fake à floss, un pet à Pinochet. En passant par Tahiti et Santiago, Chili. À Tours, à Pierre-Urpin, moi je peux leur dire, j'ai un rêve à finir. Car l'imagination n'est toujours pas au pouvoir. Car l'imagination n'est toujours pas au pouvoir. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard et allez, viens, on y va. La guitare pour chanter, le clébar pour écouter. L'euro à l'amour et le pétard pour déconner. Et puis merde, on s'en fout, on prend pas de valise. Partons tous les deux mieux à la belle Troie. Comme si on avait 20 ans dans les années 68. En volant tous les pavés, mais de rue de Paname. Et allez, viens, et allez, viens. Et allez, viens, viens, viens, viens, viens. Et allez, viens, et allez, viens, et allez, viens. Et allez, partons à trois avec ma guitare et mon clébar. Un euro et du pétard, allez, viens, on y va. Comme si on avait 20 ans dans les années 68. En volant tous les pavés des rues de Paname. Et allez, viens, et allez, viens. Et allez, viens.